Et voilà les surprises des enfants, puisqu'ici il n'y a pas d'heure et il se passe toujours n'importe quoi. Je vous rappelle que quand il y aura des invités, quels qu'ils soient, passé 23h, on ne saura jamais qui ils sont, quand ils viennent, pourquoi, combien de temps ils resteront. Et ce soir, il est de retour. Gérard, comment est-ce que ça? Bonsoir. Gérard, ce soir, vous a préparé une petite surprise. Donc, si vous voulez parler à Gérard, 0825 08 5000, et quelle surprise! Avant qu'on présente ta nouvelle équipe, en tout cas, ceux à qui tu veux bien donner leur chance, parce que c'était leur rêve, quelque part, de t'approcher, de travailler avec toi. On en discutera avec eux quelques instants. Tu nous apportes de bonnes nouvelles, puisque ce soir, nous allons faire un mini débat. Juste pour se mettre l'eau à la bouche, pour les anciens, et puis pour les nouveaux, pour apprendre à te connaître, parce que c'est quand même quelque chose d'assez complexe que de connaître Gérard. Tout comme la politique, d'ailleurs. Faut le reconnaître. Moi, ouais, mais ça, maintenant, c'est au standard de faire leur travail. C'est pas à moi. D'accord. Alors, on va faire un débat. Le thème du débat, et après, on présente l'équipe. Donc, le thème du débat, c'est sur les présidentielles. Donc, comme on en parle pour maintenant, donc on va présenter quand même l'équipe. Alors, Donc, non, mais enfin, le débat, c'est plus exactement sur la candidature de Jacques Chirac. Voilà. Hein, on est non, bien... non, mais les présidentielles, point final à la ligne. Hop, terminé. Mais on parlera de Chirac quand même. Oui, mais on parlera de lui, c'est tout. D'accord. Donc, Bah, sur les présidentielles, sur qui tu veux qu'on parle? j'ose pas, c'est pas encore, on sait pas. Oui, mais ça, on va en parler dans le débat. Commence pas D'accord. à me saccager mon débat. D'accord. Enfin, c'est suite à la déclaration de Jacques Chirac qu'on a décidé de faire ce Voilà. débat. Voilà. Donc maintenant, je vais vous laisser. Enfin, on va faire les présentations. Gérard va vous expliquer qui est sa nouvelle équipe, sachant que ces gens-là, peut-être qu'ils ne reviendront peut-être plus jamais sur l'antenne. Ah, C'est pour ça dépend, hein. deux et de leur travail. Ça dépend comment que ça va passer ce soir. Ils vont se présenter, tu vas leur dire qu'est-ce qu'ils vont faire, sachant qu'il manque encore des personnes dans l'équipe, parce qu'il faudra une deuxième standardiste, etc. Et Bah, t'expliques disons, les règles, vas-y. donc pour l'instant, il y a Karine au standard, donc que vous connaissez très bien, qui travaille avec Max. Si Karine a pouvait allumer son micro pour dire Ouais, là, bonsoir. enfin, en tout cas... Pardon Gérard, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'elle Donc, fasse? Donner des conseils. bah, Karine a connaît les conseils. J'y ai expliqué l'autre fois quand je suis venu. Ouais. Donc, dès qu'on dit à un auditeur au revoir, donc, hop, Au on revoir. reprend pas sous un autre surnom. Faut bien se mettre ça Dans la tête. dans la tête et je reconnaîtrai si c'est une personne qui est déjà venue sur les débats. Parce que, Karine, Oui. ce qu'il faudra que tu fasses, et ça, pour l'instant, c'est qu'un début, parce que là, on va faire un mini débat, c'est que tu me prépares la liste avec les noms des personnes, la ville et la fréquence. D'accord. Ok. J'irai aux antennes, j'irai de son côté quelques instants pour lui expliquer les Voilà. rouages. La deuxième personne qui Donc était la sur... deuxième personne qui sera sur le site internet. Donc Bah, alors là, www.slash.fr.wfun. voilà. Donc il se présente lui-même. Jean-Christophe. Bonsoir à toi, Jean-Christophe. Bonsoir Gérard. J'espère que tu nous entends malgré que t'as pas le. Je suis à côté de toi, donc Oui, je t'entends très c'est bien. bon. Et puis une personne qui sera à Attends, l'arrière. juste avant qu'il arrive, c'est qu'il faut expliquer que combien on est sur Internet déjà. Donc là, 1470 et ça augmente, ça augmente, ça augmente. Oh non, mais là, faut te dire une chose, Jean-Christophe, Oui. que l'Internet, je sais pas à combien qu'il était avant que j'arrive. Ben ouais. Et On était 200. Ah ben avant, 200? c'était nul avant. Donc voilà. J'aurais Donc. juste précisé avant que peut-être qu'on peut sortir de cet endroit-là, si tu sais le faire, pour aller sur le vrai chat de Fun Radio. Et là, il va vraiment y avoir des discussions et tu vas pouvoir vraiment leur répondre sur un écran. Donc je pense que tu sais Ouais, comment mais faire. par On contre. sort donc et on va vraiment sur le chat officiel de Fun Radio Mais pour du dialogue. par contre, faut bien se dire une chose, que les gens, ils posent des questions, mais on ne peut pas leur répondre, nous. Si, Si, c'est moi qui leur réponds Oui, mais lui, par il peut le faire le. maintenant. Il peut le faire, lui. Hein. Ah, je tu peux peux le le faire. Tu faire? me dis ce que je dois répondre et je réponds sur le D'accord, chat. d'accord. Et la dernière personne, donc, qui est Et ce soir? la dernière personne va se présenter elle-même, qui Donc. sera à la réanimation. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc moi, c'est Simon, bonsoir. Bonsoir à toi. Moi, on s'est déjà croisés. Voilà, donc Ouais. Simon va prendre la réa et le contrôle de la radio. Voilà. Donc le seul truc à faire, c'est que... Jingle, c'est. Voilà, Voilà. ça dégage. Voilà. Ça veut dire, tu m'emmerdes, Au hop, revoir. boum, boum. Alors, ok, ça Et marche. après, c'est à Alors, Karine là, on fait des essais. Je te au laisse maintenant avec ton standard. équipe et on va attaquer, hein. C'est à Karine au standard de gérer elle-même son boulot, hein. Simon? Simon. Ouais, Gérard. Donc, c'est à Karine elle-même de gérer son Ouais. boulot. Donc, oui, sur l'internet, déjà, peut-être une personne, non? Alors, en fait, on a Jean-Loup qui Oui. demandait juste avant que tu arrives, quand est-ce que Gérard va arriver? Voilà. Gérard est là. Voilà. Donc, vous pouvez poser des questions sur les présidentielles. Donc, c'est le thème du débat. Donc, c'est un mini débat qu'on fait, hein, parce que c'est pas un débat de 2h30 régulièrement, comme on avait l'habitude de faire. Donc, pour l'instant, on peut discuter. Bah, tiens, je vais en profiter pour saluer quelques personnes. Donc, salut Ekat, Rigobert, Monsieur Moussa, Monsieur Nounours, dénommé Tom Pousse de ma part, donc il se reconnaîtra, et Monsieur Grand Singe. Voilà, alors, dans ces cas-là, donc on peut peut-être attaquer. On peut peut-être passer des coucous, nous aussi, non? Ouais, vas-y. Moi, je vais faire un petit coucou à Noémie aussi, voilà, c'est tout. Noémie, moi, je salue tous ceux qui travaillaient avec moi avant, hein. Et moi, je t'ai dit, personne m'a dit que j'étais un beau gosse aujourd'hui. Ah, c'est ça veut dire quoi, là? On le dit plus parce qu'on le sait. Ouais, mais. Tout le monde le sait. Bon. Trop la classe, Gérard. Donc, franchement. Voilà. Et au fait, Gérard. Ouais, faut saluer Evan, mais Evan, il va prendre l'antenne un peu plus tard, et puis c'est tout, hein. Il va pas nous casser les pieds. Gérard, on peut déjà accueillir deux personnes. Oui. On a Jean-Michel. On prépare ta fiche, mais déjà. Oui. Alors, Jean-Michel, t'appelles d'où? Oui, bonsoir, c'est Jean-Michel, j'ai 42 ans, j'appelle de Montélimar. Mm-hmm. 110.12 en modulation fréquence. D'accord, mais de toute manière, on prépare l'affiche pour savoir, hein, d'accord? Très bien, je suis routier. Hein. Ah, t'es un routier? Oui. Randy aussi. Randy, bonsoir. Bonsoir, GG, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut. Alors, on écoute Fun sur 116.6 à Montaignat sur Faisan. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, on va saluer quand même nos copains qui sont sur la route, hein. Ah, quand même. Oui, tout à fait, oui. D'ailleurs, si le débat ne pouvait pas durer trop longtemps, parce que j'ai une cargaison de nougat à livrer là sur Paris demain matin. Non, mais attends, tu vas pas commencer à me chauffer, hein, parce que je vais te dire une chose, que c'est pas parce que t'es un copain routier, oui, que tu vas commencer à me dire faut que je me dépêche parce que j'ai une cargaison à faire, d'accord? Mais le monde de la route ne t'a jamais oublié, GG. Tu restes tranquille. Non, mais vous restez tranquille, d'accord? Ok. Bon, alors, on va commencer par vous, et puis, petit à petit, on reposera les questions. Alors, s'il vous plaît. Simon. Si je pouvais avoir un peu de lumière. Tu veux de la light? Qu'est-ce qui se passe? Non, parce que pour faire les questions, il me faut un peu de lumière. Voilà, c'est bon. Impeccable. Alors, croyez-vous que Monsieur Jacques Chirac a trop attendu pour se présenter? Donc, on va demander au routier, Jean-Michel, tu peux m'appeler Jean-Michel. Non, Jean-Michel, s'il te plaît. D'accord. Non, mais vous commencez pas à déconner, parce que sinon, ça va aller vite. Non, on va se prendre sérieux. Vous répondez correctement aux questions et vous essayez de nous faire. Vous essayez de faire quelque chose de bien. D'accord. Parce que c'est le début. Mmh. C'est pour savoir comment que ça va se passer, pour savoir si on va continuer. Alors, vous allez répondre correctement aux questions, sinon vous allez prendre des coups de ça. D'accord. D'accord. Oh, très bien. Donc, alors, sur Jean-Michel, sur la nomination. Croyez-vous que Monsieur Jacques Chirac a trop attendu pour se présenter? Donc apparemment, il a fait son annonce à Avignon. Il a pris le train à Gare de Lyon. Il a fait son annonce à Avignon. On s'en fout d'où qu'il a pris le train. Je te demande s'il a trop attendu ou pas. Non, pour moi, il a fait dans les temps. Il se devait de faire cette annonce, surtout qu'il est impliqué dans certaines affaires que. On s'en fout. D'accord. Donc pour répondre à la question, je dirais oui. Gérard, Marcelino est arrivé. Je peux avoir... Gérard, moi j'ai eu un petit sondage sur Internet. Que pensez-vous de la candidature? Voilà, je vais les lire au fur et à mesure. D'accord, je donne le papier, vas-y, je t'en prie. Jean-Christophe, faut te dire une chose. Que quand on prépare un débat, ça c'est un mini débat qu'on fait. Oui. On va faire ce que le chef a précisé, mais... Quand tu me prépares des questions comme ça, oui. Quand tu as le site internet, T'as vu, j'étais bien présenté. Non, bien présenté. Non, mais tu me les donnes, oui. Et moi, c'est moi qui les lis à l'antenne. D'accord. C'est moi qui dis si ça passe ou si ça passe pas. Hein. Ah ouais. D'accord. Pardon. On m'a précisé sur le net que Chirac avait 15 minutes de retard à Avignon. Ouais, mais ça, 15 minutes de retard sur Avignon, ça c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Hein. On est combien par contre, de temps en temps, faudrait que tu nous donnes le nombre de personnes qu'on est. 2957, ça monte. C'est plus. Ah bah écoute, moi je vois sur mon écran 2900. Ah, 2320. Ah, tu vois. Voilà, ça arrive, ça arrive. Ouais, ça arrive. Bon, alors. Donc, alors, on accueille Jean-Michel. T'es là? Oui, je suis là. Randy? Oui, toujours. Marcelino? Oui, bonsoir, Gérard. Bon. Par contre, Karine? Karine au standard, s'il vous plaît. Attendez, avant qu'on reprenne la première question. Déjà, il y a Marilyn qui vient d'arriver. Oui, mais, Karine, oui, mais... je t'ai dit l'âge, ok, mais je veux les noms de villes avec les fréquences. Ça va pas du tout. Par contre, celui qui a une radio derrière est prié de l'éteindre parce que sinon je lui dis au revoir. C'est normal. Tout à fait. Donc, la dernière, c'est Marilyn. Marilyn. Bonsoir. Bonsoir, Marilyn. Bonsoir, Marilyn. Bonsoir, tout le monde. Salut, Marilyn. T'appelles d'où? J'appelle de Poitiers. Poitiers 115.5. Voilà. 115.5, ok. Alors, on y va. Là. Donc, la première question, je pense que tout le monde l'a entendu. Marilyn, tu l'as entendu aussi ou tu étais au standard? Non, je suis désolée. Alors, croyez-vous que Jacques Chirac a trop attendu pour se présenter? Pardon. Alors, Jean-Michel, donc, c'était à toi que je vais commencer. Bah, moi, je pense que non, il a fait ça dans les temps. Hein. Mm-hmm. Il se devait de se représenter. Et donc, De se présenter, ouais, mais il se représente, hein, parce qu'il a déjà été élu pour 7 ans. Donc là, il se représente, et puis on attend avec grande impatience les futures nominations de. Enfin, les futures. Mais pour toi, attends. Mais attends, commence pas à bouffer les questions. C'est sur les prochaines questions. Je te demande, est-ce que tu penses que toi, il a trop attendu ou pas? Non, je pense que non, il a fait ça quand il fallait. Peut-être que s'il aurait fait ça un petit peu plus dans l'après-midi ou dans le soir, ça serait moins mal passé, mais il a fait ça après le déjeuner de midi, après sa corona. Donc, En même temps, je sais pas, même Randy, ouais. Randy, si tu veux répondre, et puis Marcelino ouais. et Marilyn, allez-y. Pour vous, bon, donc, il se représente, d'accord. Mais attendez 5 minutes. Excuse-moi, j'ai une excellente question sur le net. C'est Perfouras qui demande est-ce que attends, il faut que je retrouve. Perfouras, tu le laisses tomber. Au revoir. C'est Morgan. En plus, je me suis trompé. C'est Morgan qui demande. Il voudrait savoir pourquoi Chirac se présente alors qu'il est déjà président. Mais il se représente pour les prochaines élections. Ah d'accord. Qui vont avoir lieu là. C'est quand? C'est quand, Gérard? Te dire quand, je sais pas. C'est après le Love 2 et avant la Coupe du Monde. Non, mais attends, le Love 2, tu permets, s'il te plaît, puis la Coupe du Monde, on s'en fout. Bon, moi, ce que je pense, c'est qu'il a trop attendu. Mais que pensez-vous aussi de son intervention au journal télévisé? Moi, je pense qu'il s'est bien défendu avec Claire Chazal quand il est passé. Attends, c'est qui là? Là, c'est Jean-Michel. Ouais, mais attends, Jean-Michel, laisse parler Randy, Marcelino et Marilyn. Ok. Bon, Marilyn. Oui. Donc, pour toi, donc est-ce que tu crois que c'est normal qu'il aille trop attendu? Oui. Non, parce que en fait, il n'est pas en retard par rapport à certains autres. Mais moi, je trouve qu'avant de se présenter aux élections présidentielles, il aurait mieux fait de se présenter devant le juge. Ça aurait été la moindre des choses. En fait. Non. Attention. Oui. Faut bien se dire une chose dans la tête. Mm-hmm. Que ce qui s'est passé avant avec l'histoire des HLM, on n'en parle pas. Bah oui, mais on parle des présidentielles. Non, mais c'est la campagne quand même. Hein. Ouais, on parle des présidentielles. On parle pas de ce qui s'est passé avec les histoires d'HLM de Paris, d'accord? Mais Gérard, est-ce que tu trouves ça normal, franchement, qu'il soit pas présenté devant le juge Alfoun? Ah non, mais ça, c'est pas mon problème. C'est qui vient de dire ça? Allô? C'est Pépito. Pépito, oui. Non, il n'y a pas de Pépito sur l'antenne. C'est Pedro. Non. Alors, Jean-Michel, au revoir. C'est pas moi. Hop, au revoir. Allez, je veux pas te savoir. Non. Allez, hop, terminé. Ouais, GG. Oui. C'est Randy. Tu demandes s'il a trop attendu. En fait, ce qui est important, et ce qu'il faut quand même rappeler à nos chers auditeurs, c'est que ce qui est important, c'est qu'il se déclare, en fait, avant les élections. Oui, mais ça, je vais te dire une chose. Non, c'est surtout ça, en fait. Je suis d'accord avec toi, Randy. Ouais. Il se présente, il a trop attendu. Mais de toute manière, il y en a un autre qui attend trop. Parce qu'il a plus que, à peine, 15 jours pour pouvoir donner sa candidature mais aussi. Est-ce que tu crois pas, toi, qu'en fait, plus on se déclare tôt, plus on a des voix, en fait, plus on va avoir des votes. Parce que si t'attends, tu vas avoir moins de votes. Les gens, ils auront moins de temps. Oui, fait. Attention, justement, sur le net, on me disait, je peux parler, excuse-moi Gérard, je t'ai pas demandé la parole. Il y a Tony Montana qui demandait, avec le passage à l'euro, est-ce que Chirac est sûr d'avoir 6 x 55 plus de voix, justement, du fait qu'il s'est présenté un petit peu trop tard. Ça, on verra. Monsieur Franck Duc de Bruxelles, tiens, un Belge. Oui, bonsoir, c'est Franck Duc de Bruxelles. Bonsoir à toi. Bonsoir. Donc, on va quand même faire un petit sondage. Ah ben, oh ben non, mais attends, c'est pas bon là, les sondages. Pourquoi ? Que pensez-vous de la candidature pour Jacques Chirac ? C'est super cool à... Non, c'est pas des sondages comme attends, ça. Attends, mais j'ai trouvé ça sur Internet, c'est vachement sérieux. Attends, fais le site. Sérieux, ça. www.sondageintéressant.com Non, mais c'est pas des sondages comme ça, moi, que je veux. C'est, tu veux c'est quoi des... Non, mais dis-moi, parce que je voudrais faire bien mon boulot. Non, mais c'est des sondages écrits. C'est écrit, là. C'est écrit. Non, mais avec tout ce que les gens pensent eux-mêmes. Mais si tu veux, c'est un sondage et les gens, ils cliquent dessus. Bon, pour, on va déjà faire ça. D'accord, allez, vas-y. On va déjà donner ça, puis on essaiera de... Je t'expliquerai plus tard. Donc, alors, c'est super cool à 0,5%. C'est cool à 20%. C'est moyen cool à 31,58%. C'est pas trop cool à 28,64%. Et je m'en fous grave, cool à 14,78%. Et toi, Gérard, t'es dans quoi là-dedans ? T'es dans quel... Moi, personnellement, je m'en fous complètement. Cool. De toute manière, Et faut te dire une chose, Simon. Ouais. Que de toute manière, que ce soit de gauche ou de droite, de toute manière, tu seras toujours cocu. Et de toute manière, tu boufferas de la merde. C'est clair et net. Bien dit. Belinda. Une bonne bouse tartare. Ah, une petite nouvelle qui arrive, Belinda. Ah, on a une nouvelle ? Avec Karine. Ouais, ben, c'est toi qui tente, hein. Non, mais c'est toi qui tente, c'est pas moi qui commande, hein, pour l'instant. Là, on fait, donc, alors. Oh, s'il vous plaît, c'est moi qui parle. Donc, Belinda va faire un essai. Elles seront deux au standard. Bonsoir, Belinda. Donc, c'est la standardiste, hein. Tu n'as pas le casque, mais on te dit bonsoir. Voilà, tu n'as pas le casque, tu vas avoir un casque, et voilà, on t'a dit bonsoir. Ouais, on va te donner un casque. Bonsoir, Belinda. Ils vont te préparer, ils vont te mettre tout en confiance. Mmh. Ouais, et on fait tout péter 6000 sur le chat. Ah, il en faut plus encore. Hein. Montez. Faites péter le chat là. Eh, moi, je veux pas le savoir. Evan, il prendra alors que je voudrais. J'en ai rien à. T'as bien combien ? Faut qu'ils atteignent combien ? 10 000. Allez, 10 000 sur le chat. Allez, on se bouge. 10 000 personnes sur le chat. Parce que Max, il a pris, il avait 200 auditeurs. Alors, 200 personnes sur le net, j'en veux pas. Non. Bon. Je crois pas que c'est un cave, Max, quand même. Non. 200 personnes. Bah, sur Internet, un peu de respect, quand même. Non, mais Max, c'est pas pareil. Ça, c'est pas lui qui a décidé de changer comme ça, c'est tout. D'accord. Et Gérard, regarde ça. Regarde comment ça défile vite tellement il y a du monde qui parle sur le chat. Ouais, mais moi je peux pas lire. Et non, puis, mais je te le dis, quoi, il y a trop de monde, c'est hallucinant. Il peut pas lire, il est strabique. Non, fais gaffe à ce que tu dis, Randy, parce que tu risques de gerber. D'accord. Parce que ça veut dire strabique. Oui, mais restez calme un peu, s'il vous plaît, d'accord. Alors qu'il est strabique. Bon, alors. On en était où ? Donc, on va faire la deuxième. Avez-vous lu le livre de Madame Chirac ? On va demander... attendez, qui c'est qui a pas répondu là, à la question ? Franck ? Oui ? Franck Duc ? Oui, je suis là. T'as pas répondu, toi, à la première question ? Quelle était-elle ? Oh non, mais attends, ouais. Par contre, au standard, attendez, s'il vous plaît, c'est moi qui gère mon débat, d'accord ? Attention, mise au point. Faut gérer. Donc, Karine et Belinda. Simon, tu me mets les gens en antenne, s'il te plaît. Les gens en antenne. Et pour l'instant, sur l'internet, on verra ça après, parce que je vais quand même mettre une petite chose au point avec le standard. Donc c'est bon là, Simon ? Bah ouais, y aller. Bon, ça cartonne. Donc alors, Karine et puis Belinda. Donc les gens, quand vous les avez au standard. Une chose qu'il faut bien préciser, vous avez le casque, ouais. Donc d'un côté. Donc quand vous avez la personne au standard, si des fois par exemple la question, vous avez du mal à la comprendre, vous me faites un signe. Moi, j'essaye je ferai des photocopies, puis je vous laisserai les questions. Vous répétez la question à la personne au standard. Comme ça, ça nous évite de perdre du temps. J'ai rien compris. J'ai pas compris. J'ai vous avez pas compris. Compris. Non, mais ça évite. Ça évite à la personne qu'on va avoir sur l'antenne de lui répéter la question. Ok. Ah. Donc. Là, c'est plus clair. Mais sur Internet, eux, au moins, ils ont compris. Donc voilà. Donc avec Simon, on a fait la question. On a fait une photocopie. Ouais. Hein. Ouais. Donc voilà. Je vous donne tu transmets. Donc on en est là. À la 2. Question numéro 2. Donc à la question numéro 2, les gens que vous avez au standard. T'as un double. Ouais, ouais, moi j'ai mes papiers. Donc au fur et à mesure, vous précisez à la personne la question que où qu'on en est. Parce que sinon on n'en finira pas. Bon alors Duc. Oui. Alors j'ai retrouvé la question. En fait, je pense que la nomination de Gérard était en tout point parfaite et c'était au bon moment. Oui. Eh pauvre tâche. Oui. Mais nous, on n'a pas eu le fax des questions, GG, c'est pour ça qu'on ne pourrait pas avoir les questions. On n'a pas la photocopie, nous. Hein. Hey, pauvre tâche, je t'ai pas dit la présentation de Gérard, je t'ai demandé la présentation du président de la République. Ouais. Tu comprends le français ou tu comprends pas le français, Émile? Calme-toi, Gérard. Calme-toi. Bah, c'était bien, en fait, c'était le bon moment. Ouais, bah alors, tu sais le bon moment que tu vas le passer? Dans ton lit, au revoir. Allez, hop. Allez, bonne nuit. Hop là. C'est dommage, c'est un mec de Bruxelles, mais c'est pas grave. Oui, sur l'internet, on a du monde. Ouais, bah on disait, vous êtes le maillon faible, au revoir. Bah voilà. Bah. Non mais, par contre, l'histoire du maillon faible, là. Du maillon faible, on en a rien à foutre. Je voudrais que les gens réagissent quand même sur le thème du mini-débat qu'on est en train de faire. Ouais. C'est quoi déjà? C'est les présidentielles. Voilà. Et par contre, dans 3 minutes, on met un disque. Déjà? Bah, on va mettre un disque quand même. Attends, on commence déjà. Comment? Enfin, vas-y. Ouais, donc, la deuxième question, c'est avez-vous lu le livre de Madame Chirac? Oui. Alors oui. Qui? Marilyn de Poitiers. Non, je ne l'ai pas lu. Bah alors, pourquoi que tu dis oui? Oui, parce que oui, j'ai compris ta question et j'accepte d'y répondre. C'est déjà bien. Je ne l'ai pas lu, mais j'aimerais bien que tu me dises de quoi il parle, parce que... Je ne l'ai pas lu non plus. Ah bah voilà, moi je m'intéresse beaucoup à la lecture et je pensais que tu allais m'initier... Moi, la question que je vous pose, est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous l'avez acheté? Non. Gérard, il y a Tonk Po qui vient d'arriver. Ah, qui? Tonk Po. Bah, tu me le marques au fur et à mesure, et puis tu transmets. C'est que des karatéka ce soir. Alors, Tonk Po, d'où de? De Bogota, bonsoir. Bonsoir, Tonk Po. Bogota, c'est quelle fréquence? Ça, c'est du 110.2. Ah ouais, 110.2? Ah, ça doit être ça, hein. Oui. Ok, ils disent sur le net qu'on n'est pas vraiment concentré sur les questions, là, ils comprennent pas où on va. Normal parce que c'est un retour, donc les gens ils ont du mal à comprendre. Donc faut quand même qu'ils essayent de se remettre dans le bain. Okay. Parce que c'est vrai que ça fait un bout de temps que je suis pas revenu sur l'antenne. Ouais, tu risques un claquage quand même, son réchauffement comme ça. Tu risques un claquage. Hein. Bah non, mais ça, bon, maintenant, c'est à vous d'écouter sérieusement ce que je vous dis, si vous voulez qu'on continue à faire des débats, et puis c'est tout. On peut répondre, Gégé? Oui, ben, c'est qui? C'est Randy, donc, pour répondre à ta mini-question de ton mini-débat. Mm-hmm. Malheureusement, je pense que comme les autres auditeurs, j'ai pas lu le livre non plus. Mm-hmm. Par contre, si les gens veulent se renseigner, il y a quand même pas mal d'interviews qui traînent dans tout ce qui est télépoche, télé-loisirs, Attends. Hey, Randy. Oui. Randy, ouais, s'il te plaît, évite de donner des noms. Ah, on peut pas citer des marques? Non, évite, s'il te plaît. Ah merde, j'aurais pas dit. Non, parce que sinon. Tout ça, en fait. Ouais, non, mais évite quand même. Ah, dommage, merde, j'ai dit Gala aussi en plus. Ouais, bah évite, s'il te plaît. Oh là, c'est n'importe quoi. Gérard, tu veux pas qu'on fasse une pause? Ouais, bon, on va faire une pause. Donc, réfléchissez, avez-vous le livre de Madame Chirac, et puis c'est tout. Ouais, parce que on se retrouve juste après, et on s'écoute. On s'écoute. Voilà, absolument, un petit disque. C'est parti? Bah, c'est quoi? Bah, on va voir. On écoute. Bah non, mais faut que tu donnes le titre. Ouais, on va le donner après. Ok. Allez, à tout de suite, on se retrouve tout de suite au 0800 25 08 5000 pour la suite du débat des présidentielles. Et c'est toujours Gérard sur Fun Radio. Mais à tout de suite. Goût, tu sais. Et voilà, donc c'est Gérard pour la suite des débats sur les présidentielles. Vous venez d'écouter Jean-Luc Nigaud. Mais moi, un vote... Bien profond. Donc on récupère pour ça, donc pour la suite du débat. Donc, Tongpo, bonsoir. Donc, 110.2. Oui. Randy. Oui, toujours là. Marcelino. Oui, c'est lui-même. Et Marilyn, pour continuer. Oui, coucou. Donc, vous pouvez tout nous, toujours nous appeler au 0800 08 5000. C'est quoi déjà le numéro, Simon? Ah, tu connais pas le numéro? Non, 0800 08 5000. Voilà. Voilà. Professionnel. Donc, www.fun/. Ouais, mais de toute manière, il va falloir qu'on prévoie. Faut que tu te fasses des petites fiches, hein, Gérard. Ça va pas du tout, ça. Ouais, mais ça. C'est pas trop, là, quand même. Bah, de toute manière, Jean-Christophe, il. Tu vois, je t'avais dit, tu risques le claquage, hein, sans échauffement. Bon, c'est bon, ça suffit, là. Qu'est-ce qui est en train de t'arriver, en fait? Ça suffit. Tu sais qu'on est à 6700 sur le net? Bah, attends, t'as deux micros d'allumer, là. Ah oui. Oh là là. Je me suis trompé. Voilà. Tiens, tu me marques tous les numéros, le point .fr et tout ça. Ah, donc, la question, donc, vous l'avez tous entendue. Non. La répéter quand même. Oh non, mais on va pas faire que ça constamment. Hein. Avez-vous lu le livre de Madame Chirac? Alors, moi, Marcelino, je ne l'ai pas lu, mais Gérard, je te conseille un livre, La guerre des boutons. Ça ouais. Va te plaire. Non, ouais. Mais La guerre des boutons, je m'en bats les cacahuètes. Ouais, mais ça devrait être. Non, mais moi, je te parle d'un truc sérieux, je te parle pas de ce qui est, de mon état de santé, d'accord? Ah, mais ça n'a rien à voir. Parce que sinon. Marcelino. On va te dire au revoir. Voilà. Ben, eh ben, voilà ce qui t'arrive. Attends, Gérard. Non, c'est bon. Allez, hop, allez. Ta gueule. Alors, vas-y, ta gueule toi-même, connard. Allez, au revoir. Allez, hop. Marcelino, terminé. Terminé, c'est fini. C'est fini, je veux plus t'entendre. Il faut l'enlever, les filles. Allez. Marcelino, c'est terminé. C'est terminé pour lui. Voilà. Donc, Randy. Ouais, bah écoute. Ouais, mais attends, Evan, viens là! Evan! Putain, mais c'est pas moi celui-là! Ah, il revient. Evan! Non, mais attends, 5 minutes, je viens de commencer là, Mais je t'ai rien dit! Bon, attends, tu me fais voir ça veut dire quoi? Je vais demander l'heure! Eh non, il est 1h15, tu veux prendre à quelle heure? Tu veux prendre à 1h30? 1h15, c'est bon, merci Gérard! Bon, bah alors! Tu vas pas commencer à me prendre la tête, non? Bon, allez, Randy. Bah écoute, je t'avais déjà répondu, je t'en avais parlé des magazines, tout ça. Ouais, c'est vrai que toi, je t'avais dit, faut pas me... Ouais. Chirac, bon, personnellement, je sais pas, non, elle m'inspire pas des masses, en fait. Hein. Mm-hmm. Je pense que si j'avais été Chirac, j'aurais choisi une autre femme, quand même, pour mener une campagne. Il savait qu'il avait une campagne à mener, et il aurait... Non, mais faut te dire une chose, c'est son livre. Parce que lui, d'après ce que j'ai pu comprendre sur une radio concurrente, il y a quand même aussi le président de la République qui a sorti un livre. Ouais. Ah bon? Mais tu crois que c'est eux qui écrivent en fait ou pas? Je crois qu'ils ont des mecs. Non, ça doit être eux qui écrivent. On m'a dit que Bernadette, c'était Douillet qui l'avait aidé en fait pour le bouquin. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Et Gérard, tu penses pas que c'est un stratagème le fait que... Qui c'est là? C'est Tongpo. Ouais. Tu penses pas que c'est un stratagème le fait que Bernadette sorte un livre pour faire élire son mari? Tu penses pas que c'est ça son but en fait? Donc à la place Non, attends, s'il te plaît. Stratagème, ça passe pas. Non, mais attends, on accueille... Par contre, on a Jack Jospin. Par contre, la fleur, il y a un petit problème. Elle va arriver, la fleur. Ah bon? Donc on a Jack Jospin dans Galaba. Donc la fréquence, ça sent 1.9. Exact. Gérard, tu penses pas que c'est un petit peu pousser mes mères dans les orties que Bernadette sorte un livre comme ça pour faire lire son mari? Ouais. Ben, mais ça, de toute manière, ça dépense. Hein. Mais non, c'est eux. Bon, elle a voulu sortir un livre. Ouais. Comme moi, si je veux, par exemple, avec mes poèmes, je peux faire bouquin aussi. Ah, il y a des gens qui t'ont proposé. Hein, oui, mais moi, j'ai refusé. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse pas, c'est tout. Oui, Marilyn. Attendez, s'il vous plaît, Marilyn. Si tu sortais un livre, tu voudrais faire élire qui? Ah, je sais pas. Je ne sais pas, de manière, faudrait peut-être répondre à la question. Ouais, parce que là, on est en train de dévier, là. de dévier sur ce non, débat. Non, mais pour rester dans Bernadette, est-ce que toi, par exemple, tu aurais des cibles jaunes à donner pour son opération cible jaune? Non, mais attends, là, je vais te dire une chose, c'est qui vient de dire ça? C'est Randy. Randy, au revoir. Hop là. Allez, bonne nuit. Un petit café pour Gérard pour qu'il s'énerve. Allez hop, Randy, terminé. Au standard, s'il vous plaît. Oh là, mais qu'est-ce qui se passe là? Oh là là, je crois qu'il va y avoir au standard. Oh non, mais attends, qu'est-ce qui se passe là-bas au standard? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, ils ont pas l'habitude, ça se voit. Hein. Bon. Ouais, mais Karine, s'il te plaît. Attends, le téléphone. Karine, qu'est-ce qui se passe au standard là? Il y a un problème, on comprend pas pour l'instant, mais ça va aller. Fais comme si de rien n'était. Ah ouais, mais non, mais si, moi, je voudrais quand même savoir, parce que là, c'est compliqué, hein. Bon, c'est la première, je dis rien, mais... Ouais, ça va pas, ça. Hein? Ça va pas du tout. Hein. Bon, on va peut-être poser une autre question, on le sait, hein. Alors, qui c'est qui a parlé Jacques? Ouais, Jacques. Ah, il y a plus? Si, il est là. Ah, si, je suis là. Fleur est arrivé, c'est bon. Ah, il y a Fleur qui arrive. Bon, Fleur, t'appelles d'où? Moi, j'appelle de Pontoise. Donc, 101.9. Voilà. Bonsoir, Fleur. Merci de me dire la fréquence, parce que je ne vais pas vous les rappeler, d'accord? D'accord. Ok. Alors, donc Marcelino, tu es toujours là? Il y a longtemps qu'il est parti, lui. Mmh. Ah non, je ne l'ai pas viré. Si, je suis viré. Oh non, mais attendez. Au standard, là, s'il vous plaît. Allô. Non, mais là, c'est ta faute, Gérard. Beninda, tu me refais une nouvelle liste avec les nouveaux auditeurs qu'on a. On est parce que là, alors, pendant que la liste est refaite, moi, voilà. J'ai une super question de Sonacotra sur le net. Et il demande si le livre de Madame Chirac peut gagner le prix Bombourg. Bah, ça va dépendre. Hein. C'est toujours aussi tout raide. Mmh. Ouais. Mais ça, ça va dépendre. Hein. Gérard? Oui. Gérard, c'est qui? C'est la Fleur. Oui, la Fleur. Ouais, Max, il est toujours avec toi? Non. Il est plus là? Non. Ah, pourquoi? Non, bah, c'était pour lui dire un petit bonjour. Ah, mais alors, les bonjour, au revoir. La Fleur, au revoir. Attends, la Fleur, au revoir. Terminé. Les bonjour, comment? Alors là, c'est trop. Alors, l'enculé, je t'emmerde, moi, je t'encule. Voilà. Hop, terminé. Il n'y a plus personne, là, maintenant. Allez, hop, terminé, celui-là. Oh non, ouais. Eh oh, s'il vous plaît, le standard. Là, pour faire quelque chose, parce que sinon, on va même pas dire au revoir. Hein. Là, je crois que vous me refaites une liste correctement. Alors, la Fleur est terminée. Hop. Il nous reste Jacques... Jacques... Ouais, je suis là. Je tenais à dire que... Non, attends. Oui. Attends, parce que faut quand même... Bon, Simon, ouais. Oh merde, t'as pas calé un... Allô qu'est-ce qui se passe, Gérard? T'as pas calé un disque? Ah bah non, si tu le demandes pas... Bah cale un disque et puis le standard. Mais pose une autre question en attendant. Bon, alors, je trouve un disque. La prochaine question, si on vous... Ouais ben, je vais faire un sondage avant. Hop. Alors, tu me retires les gens du jeu. Hop, il n'y a plus personne. Alors, quel est votre sentiment vis-à-vis de... Quoi? De l'immobilisme. L'immobilisme, hein. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? À propos des propositions psychologiques. C'est les sondages que j'ai trouvés cet après-midi pour toi. Ouais, mais attends. Attends, vas-y, lis la question. Alors, je ne comprends pas votre question à 27%. Mais lis la question. Alors, moi, je ne sais pas, à 49%. Oh, non, des trucs comme ça. J'ai mis 3 heures pour le faire. Écoute-moi. Oui. Moi, je vais te dire une chose, des trucs comme ça, j'en veux pas. Bon, d'accord. Donc, Okay, Gérard, il y a Al Château qui est arrivé. Non. Non, mais faut me refaire une liste correctement. Non, mais on n'a pas le temps parce que ça n'arrête pas de partir mais de non, revenir. Mais non, mais là, on va mettre un disque. Ah non, on n'a pas le temps. Si. Tu me mets un disque. Ah, mais j'en ai pas là pour l'instant. Ils veulent pas de disque sur le net. Ils vont se calmer sur le net. Fais gaffe, c'est en train de descendre sur le net. C'est en train de descendre. Si on vous sollicite les pièces jaunes pour les enfants malades, en donneriez-vous? Terminé, on met un disque au standard. Vous me reprenez toutes les personnes. On peut déjà faire avec les deux, les autres voient. Mais là. C'est quoi le bordel? C'est quoi le problème? Bah attends, regarde, j'ai 50 feuilles avec toutes les personnes. Ah bah, tu leur dis, tu leur expliques aux filles, hein, moi j'y suis pour rien. Hein. Donc, tu mets un disque et puis terminé, basta. Il a rien calé, on va pas mettre des disques. Mais si, il met quelque chose, mais n'importe non, quoi. Attends, on est dedans là, t'as ton petit café, regarde, pour t'énerver un peu là, puis c'est bon. Ouais, mais attends. Tu leur gueules dessus, tu leur expliques. Mais c'est quoi, là? Je peux même pas travailler. Là, vous me faites une feuille avec toutes les noms des personnes, avec les fréquences. Voilà. Alors, et pendant qu'ils font ça, tu peux poser Jacques Zofine. Ouais, je suis là. À la donc, pour toi. Oui. Bah écoute, j'ai rien entendu avec tout ce brouhaha. Alors, si on vous sollicite pour les pièces jaunes, mm-hmm. pour les enfants malades, en donneriez-vous? Bah non, pas trop, puisque maintenant, les pièces jaunes d'aujourd'hui, elles valaient un peu plus cher qu'avant. Donc, oui, mais attends. Donc. Des pièces jaunes en euros, non, mais en francs, oui. D'accord. Voilà. Marilyn. Oui. Moi, je suis plus pour mener une action sur le terrain. Quelque chose de concret. Donner une pièce jaune, il s'en fout, le gamin. Mm-hmm. C'est vrai. Donc, faut leur acheter d'autres trucs que des pièces jaunes. C'est pas des jouets. Mm-hmm. À quoi ça sert? Non, mais pour les enfants malades, quand même. Un enfant malade, il faut lui donner des soins. Il faut pas lui donner des pièces jaunes. Oui, non, mais d'accord. Non, mais attends. Gérard, excuse-moi. Ça y est, t'es content? Je t'ai fait la liste. Elle est nickel? Oui, c'est bon. Okay. Comment elle te parle? Non, mais de manière, c'est le début. Mais je vais mettre les choses au clair après. Non, mais Marilyn. Oui. Toi, tu dis pour le, je sais pas comment que tu peux exprimer l'intention comme tu le dis là. C'est beau ce que tu dis. Moi, ce que je dis, c'est que plutôt que de donner des pièces jaunes à des enfants malades, vaut mieux leur donner des soins ou des médicaments. Oui, mais non, mais par exemple, El Château, t'es là? El Château une fois, El Château deux fois. El Château trois fois. Voilà, au terminé. Au hop, El Château, il est terminé. Allez hop, voilà, dans le château. Jack. Oui, Jack. Jack, t'es là? Je suis là, exact. Tongpo. Ouais, Tongpo, je suis là. Ouais. Et Marilyn, donc? J'ai pas répondu à la question sur le bouquin. Non, on s'en fout du bouquin, on n'en parle plus parce que. On passe à la suite. Je vais pas m'éterniser là-dessus. Personne l'a lu en plus. Ouais, de toute manière. Donc, pour la question, là, pour les pièces jaunes, moi, qu'est-ce que t'en penses, toi, ton pot? Bah, moi, je trouve que c'est louable comme. Ouais, mais tu t'appellerais pas Tony, toi? Non, du tout. Non, te fous pas de ma gueule, d'accord? Donc, pour parler des pièces jaunes. Ouais, Tony. Je dirais que c'est une bonne. Vas-y, prends ton nom normal, Tony. Mais je dirais que c'est une bonne opération pour les enfants malades, parce que c'est vrai que c'est des enfants qui souffrent, qui sont à l'hôpital, qui sont délaissés. Et je trouve que ce soit Bernadette Chirac, que ce soit Madame Ségolène Royal ou Madame. Non, mais c'est pas ça. Oh, Tony. Oui. Pour l'instant, je te parle pas de ça. Et on va savoir sur l'internet parce que. Alors, une excellente question de The Seb. Pourquoi ne pas avoir fait une opération billet jaune pour apporter plus de fric? Oui, mais ça faut bien se dire une chose. Qu'à l'heure actuelle, les pièces jaunes, ça dure jusqu'au 28 février. On est bien d'accord. Ouais, mais on le sait, mais attends, mais me commence pas à me prendre la tête, Evan. Merde. Ben qui est et quelle heure, Gérard? Mais merde, il est 1h30, mais tu vas l'avoir, l'antenne. Non, merci, c'est bon. C'est bon, tu vas l'avoir et me prends pas la tête, là, oh. À tout à l'heure, Evan. Au revoir. On te propose des slips jaunes sur le net. Des questions comme ça, tu m'en... Je dis pas ça. Tu dis rien. Evan, il est chaud pour mixer du Venga Boys, là. Non, mais par contre, ce que je voulais vous dire... Donc, c'est pour répondre à la question à Marilyn et à toi, Tongo. Jacques. Oui. T'as pas répondu, toi? Ah si, je viens de te répondre. Ok, j'ai Bertrand Transpiration qui... Bertrand. Attention. Attention, il faut bien se dire une chose. Mm-hmm. J'espère que c'est pas des personnes qu'on a gerbées. Ah non, pas du tout. Qui reviennent, hein. J'ai galère au standard, là. Attention. C'est point final, gnangning. Hein. Bertrand. J'appelle de Toulouse, 117.7. Oui, merci, j'ai les fréquences sous les yeux, d'accord? Ah bah, tu dis toujours de donner les fréquences. Moi, ouais, non, mais attends, tu vas pas me prendre pour un minus, hein. Non, ok. C'est pas le genre de la maison. Non, c'est pas le genre de la maison. Donc, la question, tu l'as entendu? Bien sûr, les pièces jaunes. Alors, écoute, moi, les pièces jaunes, je sais pas, j'ai plutôt du billet, de la carte bleue, des trucs comme ça, tu vois. Ils prennent pas ça. Donc, pièces jaunes, je sais pas, est-ce qu'on peut donner de la carte bleue? Non, ils prennent pas ça. Non. Ou du chèque? Non, mais bon, alors maintenant que tout le monde... Attendez, s'il vous plaît. Je vais quand même mettre un peu mon grain de sel là-dedans. Non, attendez, s'il vous plaît. Marilyn, oui, tu veux rajouter quelque chose avant que je parle? Tu peux pas faire des chèques de 10 centimes, c'est comme si tu donnais une pièce jaune. Non, on peut pas. Et est-ce que tu peux donner un ticket resto, par exemple? Non. Sur l'internet, une question vachement culturelle. Sérieuse, hein. Non, franchement sérieuse. C'est... Non, mais sérieuse par rapport honnêtement, à la pièces question. Jaunes. D'accord. C'est petit Yann qui nous écoute sur 102 FM. Il nous demande est-ce qu'avec ces pièces jaunes en euros, sachant qu'on multiplie par 6,56 et que c'est jusqu'à février et qu'il y a 28 jours, ça fait combien un ancien franc? Non, mais déjà, c'est pas 6,56, c'est 6,55. D'accord. Ah, pardon. Alors, ouais, l'arrondi. Non, mais ça après, c'est pas eux qui, c'est, ça va être machiné à la Banque de France. Si, ça va être. Rien compris à la question. Non, mais ça va être fait à la Banque de France. C'est eux qui vont pas gérer. Pas la question. Donc pareil. Donc pour répondre, oui. Ouais, est-ce qu'on peut en profiter pour écouler, par exemple, si on a de la, c'est Bertrand, hein, si on a de la fausse monnaie, est-ce qu'on peut écouler sa fausse monnaie, par exemple? C'est-à-dire? Bah, je sais pas, tu sais, des fois, dans les distributeurs et tout, il y a des fausses pièces. Tu récupères, je sais pas, des vieilles pièces. Non, mais attends, des fausses pièces dans les distributeurs, en principe, t'en as pas, c'est que des billets. Mais est-ce que tu peux mettre des pièces étrangères, des trucs qui viennent? Ah, mais ça, tu veux. Non, mais ça, pour te dire une chose, c'est quand t'as la petite boîte jaune, là. Ouais, mais c'est des pièces jaunes, hein, attention, hein. Mais oui, non, mais bon. Moi, je vais répondre à la question à Marilyn. Parce que Marilyn, elle disait tout à l'heure, oui, mais il faut penser quand même aux enfants qui sont malades. Ouais, c'est sûr. Voilà. Mais oui, mais de toute manière, si Bernadette Chirac fait ce système-là, ouais. C'est pourquoi? Déjà, une, oui. C'est pour que les parents soient à côté de leurs enfants. Ils sont à l'heure actuelle. Non, Marilyn, s'il te plaît, ne me coupez pas la parole. Une chose qu'il faut bien se mettre dans la tête, si Bernadette Chirac fait ça avec Alain Douillet, ça fait X temps. Sur Internet, on dit qu'on se dégage du débat, là, complètement. Je réponds à la question, c'est tout. Et je viens de me tromper, c'est pas Alain Douillet, c'est David Douillet. Non, Alain Delon. Ouais, tout à l'heure, ça va être la main de ma soeur dans la culotte d'un swap, toi. Si je peux me permettre, parce que ça vient de me donner une idée. Ouais. Par exemple, moi, tu vois, j'ai un stock de lire italienne, tu vois, en petit. Bon, allez, dégage-toi, vas-y. Tu m'énerves avec ton truc italien, là, depuis tout à l'heure, Tango, là, hop, bonne nuit. Allez, hop, donc, dégage. Marilyn, je réponds à ta question. Alors. Allô. Non, mais c'est pour Tango. Tango, hop, Tango, au revoir, hop, bonne nuit. Mais non, mais attends. Tango! Bonne nuit! S'il vous plaît, le standard! On se réveille là-bas, les filles. Oh! Au standard, on se réveille, on pète les plombs! C'est exactement ce qu'il dit. Oh là là! Ça m'énerve! Oh là là! Donc, Marilyn, pour répondre à ta question, si Bernadette Chirac fait le système avec un Douillet, c'est pas. C'est David, genre. Ah ouais, David Douillet. Ouais, ça fait déjà deux conneries que je m'énerve. Oh là là! Non, mais de toute manière, on va arrêter. Non, tu rigoles. Non, mais je vais répondre à la question. Non, mais c'est sérieux comme débat. Donc, pour l'histoire des pièces jaunes, c'est pour que les parents aillent un coin pour dormir, qu'ils soient auprès de leurs enfants. À l'heure actuelle, sur Paris, ils ont posé la première pierre pour construire quelque chose. Allô, bien sûr. C'est beau ce que tu dis, c'est beau. Allô. C'est qui? C'est Maurice. Allô, c'est qui? C'est Maurice, je voudrais poser une question, là. Parce que ça... Non, mais attends, oui. Pour l'instant, on... C'est, il sort d'où, celui-là? Je viens de sortir du standard, là. Mais attends, qui c'est qui me l'a permis à l'antenne, lui? Ouais, parce que j'ai la ligne directe. Il n'y a pas de Maurice, il n'y en a pas, hein. Mais bon, alors, un imposteur. Bon, il faut le dégager, lui, hein. Non. Ce que je voulais dire, quand même, c'est, par exemple, là... Ouais, il va te faire sauter, toi. Je veux pas t'entendre, toi. Donc, Marilyn, j'ai répondu à ta question ou pas? Oui, parfaitement. GG, c'est Bertrand. Oui, Bertrand. Tu te souviens de ma question sur les pièces étrangères? Tu as dit qu'il prenait les pièces étrangères. Ouais, mais ça, faut faire. Bah, regarde, par exemple, si t'as plein de pièces de Tchécoslovaquie, il y a peut-être un enfant qui peut partir une semaine en vacances en Tchécoslovaquie. Non, mais attends, Bertrand, s'il te plaît. Je me demande si c'est pas ce que vous voulez dire. Bertrand, tu m'écoutes, s'il te plaît. Oui, allô. Oh, ta gueule, Maurice. Bertrand, tu m'écoutes. Oui. Ce que je dois te dire, et c'est Marilyn, elle a très bien compris ce que j'ai voulu dire. Ce qu'ils vont récolter, c'est pour construire des trucs pour que les parents soient à côté de leurs enfants qui ont des problèmes. Mais d'accord. Regarde, avec mes pièces tchécoslovaques, tu peux construire une maison. Bon, allez, dégage, allez, hop, bonne nuit, hop. Terminé, parce que tu m'énerves aussi, toi, avec tes pièces de merde. Allez, hop. Allô? Il est Louis d'or. Gérard, tu peux dire juste qui tu vires pour le standard, au moins qu'ils sachent qui... Bertrand, terminé. Ok. Allô, c'est Pedro. Bonsoir. Allez, oh là là. Bon, allez, allez, allez. On va reprendre l'équipe en main, Gérard. Non, non, non. De toute manière, je pense que là, tu vas me caler une musique. Allô, c'est Randy. Allez, va te coucher, là. Moi, je viens d'avoir une idée. Si par exemple un gosse. Oh non, non, là, c'est bon. Si on donne des centimes en euros, c'est qui? On peut s'acheter un œil au Brésil. C'est qui? Oh, les filles, là, oh là, là, ça rame, là. Bon, allez, hop. Mets un coup de pression, là. Oh! C'est qui, oh? Oh, c'est moi qui commande ici. Ben, on sait, hein. Bon, bah alors, vous me virez. Vous me gardez Marilyn, Jacques Jospin. Steven Urne est arrivé. Non, non, mais vous allez me refaire une fiche. Ah, mais t'as dit... Oui, c'est bon, non, on non, l'a fait. Non, non, non, non, vous allez me faire une fiche. La question reste, si, non, même pas, à votre avis, qui fera... C'était une petite fiche. Oh non, mais de toute manière, faut... Attends, je vais pas travailler comme ça, moi. Ouais, non. Alors, à votre avis, qui sera le président... Oh merde, combien on est sur Internet, là? On est combien? Là, on descend un peu, hein. Ah, merde. Ah. Je sais pas ce qui se passe. À votre avis, que fera le président s'il est réélu? Voilà. On met un disque. Ah. Et on met un ça disque. Ça remonte un petit peu, là, sur le net, tout d'un coup. Alors, la question, c'est... Que fera le président s'il est réélu? Et le standard, vous me prenez des personnes... Non, je veux pas des... Ah oui, d'accord. C'est pour les gens standards. Oui. Non, c'est pour les personnes qui vont être au standard, ok. D'accord. Donc c'est la quatrième et je pense que ça va être la dernière parce que... On va voir. Donc, à votre avis, que fera le président s'il est réélu? Et voilà, et on s'écoute... Un disque. C'est quoi, Simon? On te dira tout à l'heure. Ok. Et vous pouvez toujours nous appeler. Oh! Alors je vous donne les numéros. J'ai tout noté, là. 0800... 25 08 5000 et le net www.funradio.wwp.fr/. Il manque slash. Ouais, bah, de toute manière, on va. Non, on... plus facile un petit peu en dessous. Non, mais on trouvera un autre système pour. Non, mais vous. www.funradio.fr. Voilà. Dans la rubrique. Rubrique chatouille, non. Voilà. Non, bah, on va on va faire rubrique débat de Gérard. Et allez, puis on fait la rubrique débat de Gérard. Allez, hop, terminé. Allez, c'est la pause. À tout de suite. Donc, il reste à peu près 10 minutes de débat et on se retrouve tout de suite après. Gérard, t'es où, là? Ah, là, s'il fait sa star, ça y est, il est dans le couloir. Hé, Gérard! Non, c'est Thierry Madoussinus, je connais. Ça s'appelle l'arnaque. Allez, viens, Gérard, mets ton casque. Vite, sinon il y a un blanc là. En direct, hein. Bah, et voilà, non, excusez-moi du petit blanc. Mais Simon, t'aurais pu quoi. Non, mais je t'ai prévenu. Comment ça s'appelle? Donc, ça s'appelle Thierry Madoussinus. Et c'est, le titre, c'était l'arnaque. Et voilà. Donc, vous pouvez toujours nous appeler au 08. Oh, bah, je sais pas. Christophe, le site internet, s'il te plaît, là, on y va, là. Merde. Ah, personne, c'est quoi cette équipe? Mais, je crois qu'on va mettre les choses au clair après. Bon, alors, je sais pas, qui est bon. Donc, je crois qu'il est parti. Bon, Christophe, Il est là. Hé hey. On n'a pas que ça à foutre, hein. Moi, je t'allais faire pissouille un peu. Ouais, mais il y a du monde derrière, qui reprend, hein. Donc, vous pouvez toujours nous appeler au 0800 25 08 5000. Et le net, www.funradio.fr, rubrique débat de Gérard. Et ça va être comme ça assez souvent. Donc, la question, c'est à votre avis, que fera le président s'il est réélu? Donc, on accueille pour ça Jacques Jospin. Oui. Marilyn. Oui. C'est moi-même en présence. Steven Brune. Steven Urne. Steven Urne et Steven Chantal. Oui, bonsoir. De l'accueil en vieille, la fréquence, s'il te plaît. C'est 104.6. Merci. Je vous en prie. Donc, alors, la question, vous l'avez entendue? Oui, tout à fait. Bon, alors, on va commencer par toi, Steven Chantal. D'accord. C'était encore la question sur les pièces jaunes, c'est ça? Qu'est-ce qu'il va faire quand il va être élu, Pépère? Steven Chantal. Oui. Je sais pas qui c'est qui t'a sélectionné. Oui, bah c'est moi qui ai oublié la question, hein. Ça n'a rien à voir. Non, mais tu vas retourner. Non, non, mais déjà, déjà une chose. Non, mais ça arrive, Gérard. Ouais, ouais, les rappelle juste la question, Gérard. Non, mais la question, je viens de la lire. Oui, bah, je pense que quand il sera réélu, il fera des grandes choses pour la France, hein, comme il a fait ces 7 dernières années. Je te demande, que fera-t-il quand il sera... Si, Gérard, oui. Bah, il va essayer de réduire la fracture sociale. C'était son grand thème de campagne Gérard, de l'année dernière. Téléphone. Et je pense qu'il va y arriver. Hein. Oh là là. Oui, bah oui. Gérard, attends, c'est oui. Quand même. Hein. C'est qui me parle là? Oui, c'est Steven Hurn de Isoloir sur Indre à l'appareil 115.3. Mmh. Voilà, en fait, c'est un pseudo que j'ai donné à l'antenne car je travaille avec un célèbre député en Région France. Attends. Gérard? Oui, déjà, je voulais vous féliciter pour votre débat parce que je trouvais que vous aviez une bonne réflexion contrairement aux auditeurs qui ne vont pas très très loin dans leur dire. Ok, d'accord. Gérard, avant de répondre à cette question concernant effectivement le programme éventuel de Jacques Chirac, je voulais savoir ce que tu pensais de la corrélation entre la droite et la gauche et surtout du pragmatisme de Lionel Jospin. J'en ai rien à foutre, Steven Burn. Oui. Terminé, au revoir pour toi. Voilà. Non mais il est bien, la seule, il est bien. Non. Il avait des trucs à dire. Non. Il avait des choses non. Pas non. Non. Attends, Gérard, la question. Y a pas. Eh, attendez, sur le net, il demande aussi. Oh, c'est moi qui commande encore. Mais quand même, il avait plein de choses. C'est moi qui commande, si j'ai dit que non, c'est non. Gérard. Terminé, point final, la ligne. Bah, attends, Gérard, terminé. Steven Burn, au revoir, terminé. Même sur le net, on n'en parle plus. Voilà, c'est terminé, Marilyn. Et ben voilà, il y a des mondes qui descendent du net. Voilà, on est repassé à 5000. Ouais, mais de toute manière, c'est le départ, voilà. C'est normal. Mais il va être mieux celui d'après. Marilyn. Oui, ben moi, je crois que déjà, il va le fêter en buvant une bonne Corona, bien fraîche. Mm-hmm. Il va être bien, bien soulagé parce que je ne sais pas ce qu'il attend, en fait, s'il n'est pas réélu. Non, mais à votre avis, que fera-t-il s'il est vraiment réélu? Ouais, est-ce qu'il fera ce qu'il est en train de... Mais non, je crois qu'il fera mieux. De toute façon, il ne peut pas faire pire, donc je pense qu'il fera mieux. Il commencera ouais, à mais donc, oui, mais allez-y. Gérard, est-ce que tu peux nous préciser, justement, parce que nous, on est un petit peu à la ramasse. C'est qui, là? C'est Steven Chantal. Quels sont ses grands thèmes de campagne à Jacques Chirac? Non, on ne sait pas pour l'instant. Hein. Non, mais il en a parlé hier. Moi, j'ai pas écouté. Hein. Il s'est présenté, il a dit oui, comme quoi qu'il se présentait devant de Avignon, ouais, c'est Avignon. À Avignon, il était. Gérard, excuse-moi. Oui. T'as Johnny Bigood qui entre. Il appelle d'où, lui? Allô? Oui. Gérard? T'appelles d'où? Johnny Bigood de Paris 15e. Ouais. Salut, Johnny. Salut. Gérard? Oui. Bon, en fait, c'est un pseudo. Mon vrai prénom, c'est Evan et je voulais savoir quelle heure il était. Ta gueule va faire sauter, au revoir. Oh putain! Allez, là. Ah, mais là. Ah non, mais attendez, faut pas me prendre des gens comme ça. Bon, sur l'internet, une question avant que je réponde à ce que Marilyn m'a posé. Gérard? Oh. Gérard, si tu jettes tous ceux qu'on te passe, nous, on peut plus. Écoute-moi, Karine. Mais non, mais t'es trop dur, non, tu vas trop attends. Vite. C'est le premier en plus, nous, on connaît pas. Et toi, Simon, t'es là, tu les jettes comme si c'était des torchés. Tu me coupes simplement. Les auditeurs, bon, ils sont coupés. Ils sont plus là. Donc, écoute-moi bien, Karine. Une chose que je vais... Non, mais moi, je comprends pas pourquoi t'es si dur. Non, mais ça, il faut te dire une chose. Que c'est moi qui commande quand je fais mes débats. Quand je dis que la personne, j'en ai marre, c'est que j'en ai marre. Et normalement, je dois avoir... Écoute-moi, s'il te plaît. J'en ai marre. Normalement, je ne dois pas avoir que 4 personnes. Je dois avoir au moins 5 personnes d'un seul coup. Ouais, non, mais sur 5 personnes. Tu jettes tout le monde, Gérard. Non, non, mais là... Là, sur le au standard, les lignes sont en train de péter. Dans ces cas-là, on fait une chose. On va laisser tomber ça, et c'est tout. Mais non, c'est pas la peine de laisser tomber. C'est toi qui commandes. Ok, allez. Ça va. Ok, hein? Commande. Non, t'as raison. Alors, dans ces cas-là, vous faites ce que je vous dis, ou sinon, je demande d'autres personnes. C'est tout, c'est clair, net, précis. Si ça va pas, eh ben, au standard, le soir... Dès que Max, dès que c'est moi qui prends, eh ben dans ce cas-là, je vous dis au revoir. Et c'est tout. Voilà. Sur le net, pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Ouais, ça remonte, ça y est, ça remonte. Oh, à l'AREA, ça se passe bien. Donc maintenant c'est le standard. Maintenant au standard, si vous êtes pas capable de faire votre boulot, vous me le dites. Oh, quand je vous parle, s'il vous plaît, au standard là, au lot éjecté entre vous là. J'aimerais bien qu'on me réponde. Oui, qu'est-ce qui se passe? Non, mais quand je vous demande quelque chose, vous avez à répondre au moins. Parce que là, tu viens d'arriver, tu sais pas comment que ça se passe. Mais moi, je vais te dire une chose, il y en a plus d'un ici qui savent comment que je travaille. Quand ça va pas, ben, je change d'équipe, c'est tout. Il y en a plus d'un qui rêve de bosser avec toi, Gérard. On t'a fait une nouvelle fiche, hein. Donc, et on accueille Boîte à Ben, et j'espère que celui-là, il te plaira. Boîte à Ben. Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Alors la question, je la répète, à votre avis, que fera le président s'il est réélu? Donc Marilyn, tu voulais réagir là-dessus, toi, parce que tu n'étais pas trop d'accord avec ce qui... Voilà. Oui, donc je t'écoute. Mais allez-y les autres, hein, si vous voulez. Ouais, ouais, ouais. Oh, non mais attendez, t'inquiète, attendez, attendez. Oh! Qu'est-ce qui se passe là? Allô? Ça, par contre, à l'arrière, je veux pas entendre ça. Ah, c'est pas moi, Gérard. Ah, bah voilà, ça y est, tu vois, tu voilà, t'es fait quelqu'un encore. Hein. Qui c'est qui est parti? C'est qui, ça? Tu t'es qui? C'est là, non? Alors, Marilyn. Oui. T'es toujours là? Oui, bien sûr. Jack. Exact, je suis toujours là. Tongo. Oui, je suis là. Et Boîte à Ben. Ah, bah non. Parti, c'est c'est Boîte à Ben qui est parti. Ouais. Bon, bah alors, comme ça, on va terminer le débat là-dessus parce que je pense que ça va aller. Gérard, ah non, ils veulent que ça continue sur Gérard, la lettre. Ouais, non, mais attends, c'est une première. Gégé. Oui. Pour recentrer un petit peu le débat, est-ce qu'on peut te demander quelles sont tes tendances politiques? Non, mais attends, tu permets? Oui. On va, c'est qui pose la question? C'est Steven. Ah ouais, Steven Chantal. Oui. Bah, de toute manière, tu permets si on essaie finir Marilyn par rapport à ce qu'elle disait. Oui, tout à fait, parce que tout à l'heure on parlait de déontologie et de pragmatisme. Moi, je crois qu'on a oublié de parler d'étymologie et de puritanisme. Et je voudrais savoir ce que tu en penses, parce que on se sent bloqué dans ce système complètement raccroché à son ontologie. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc moi, je dis, il faut d'abord mettre les choses au clair avant que toute décision soit prise. C'est clair, Gérard, parce que si ça continue comme ça, on va finir par voter bolchevique. Hein. Voilà. Non, mais de toute manière, pour vous dire une chose, qu'à l'heure actuelle, c'est pas pour être méchant vis-à-vis de lui. Non, mais t'as raison, on va tous se faire enculer. Non, mais de toute manière, ça, pour vous dire une chose, c'est qu'à l'heure actuelle, même s'il est réélu, de toute manière, ça changera pas le problème. Il hein. y aura toujours autant de personnes qui... Autant de personnes qui auront du mal à s'en sortir. Hein. Quel bilan on peut tirer sur la présidence de Chirac là, sur ces dernières années? Ben moi, je peux te dire une chose, que le bilan, si tu veux qu'on fasse un bilan, un bilan, moi, je peux te dire une chose, que ce qui nous fait à l'heure actuelle, pour moi, c'est de la merde. Il nous fait rien. Il débouche sur rien. Il n'y a rien qui est sorti. Il n'y a rien de sorti. Ils disent avec son premier ministre Jospin, même si Jospin il se présente, hein, qu'est-ce que ça va faire? Ça va rien nous donner de plus. Parce que pourquoi? Parce qu'on n'aura pas, il y aura pas plus d'emplois. Parce que maintenant ils suppriment des emplois partout. Donc les emplois, non mais les emplois, t'en as pas. Même pour les personnes qui sortent, qui sont dans des lycées tout ça. J'écoute les impôts régulièrement. Et là je peux vous dire. Que celui qui a parlé à une heure, eh ben pour ce qu'il a dit, une personne qui a son CAP, maintenant ils vont revoir le système de CAP, donc c'est pas bon. Il faut plus avoir un CAP, il faut avoir un bac. Mais maintenant c'est même pas un bac qu'il va falloir bientôt. C'est pour ça que tu cherches pas de travail, GG, parce que de toute façon tu sais que t'en trouveras pas. De toute manière, moi j'ai pas de bac, j'ai rien du tout. Non mais c'est pour ça que t'en cherches pas alors. Mais non, mais même. Excuse-moi. Oui. T'as Chuck Norris qui arrive là. Et Gérard, tu trouves pas que ça manque un petit peu de femmes au gouvernement? Salut Chuck. Bah justement, justement la question. Donc, on va pas toutes les faire parce que sinon je vais durer jusqu'à 2h du matin. Non, mais c'est bien que Chuck Norris arrive pour parler de misogynisme. Tout à fait. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Bonsoir, c'est Chuck Norris. Bonsoir Chuck. Bonsoir, on écoute Fun sur 114.4. Ouais, Bordeaux. Merci, j'ai la fréquence sous les yeux. Moi j'annonce les fréquences, hein, je suis poli, bonsoir tout le monde. Bonsoir, salut. Bonsoir. Salut, bienvenue. Donc GG, on est toujours à fond dans le débat, c'est ça. Hein. Non mais je te parle, à votre avis, que fera le président s'il est réélu? Bon déjà, moi, Savoir s'il va changer. ce qui se passe à l'heure actuelle, ou s'il va aller, chez les mêmes choses. Parce que c'est inadmissible. Non, mais déjà, Gégé, il va sabrer le champagne, je pense. Il va fêter l'événement. Ouais, mais non, mais on s'en fout, On s'en fout s'il boit le champagne ou pas, on s'en fout. Qu'est-ce à ton avis, Jack Morris, qu'est-ce qu'il va prévoir de faire par rapport s'il est réélu? Qu'est-ce qu'il va faire derrière? Est-ce qu'il va trouver une solution pour qu'il y ait moins de chômage? Oui. Bah ouais, parce qu'en fait moi Gégé, moi si je peux me permettre d'exposer mon point de vue, Jospin et Chirac en fait ils sont un peu potes quand même. Bah t'es oui. D'accord avec moi? Donc en fait ils se présentent tous les deux, ils sont sûrs qu'il y en a au moins. Non. Attends. Jack Morris. Tu vois, c'est bonnet. Jack Morris. Pour l'instant. non. Attends. Pour l'instant, l'autre, il s'est pas présenté, il a que 15 jours pour le faire. Ah, mais il va le faire. Il va le ouais, faire. Ouais, mais il va le faire quand? Morris, d'accord avec moi, bah je sais pas, le week-end. Mais non, il faut qu'il passe avant le 28 février. Bah, une question sur Internet, s'il vous plaît, merci. Oui, on me demande si tu as voté chasse, pêche, nature et tradition. Oh là là. Je voterai la main de ma soeur dans la culotte d'un zouave. Voilà. Ah bah comme ça c'est clair. Vous avez compris sur le chat? Bon, voilà. Comme ça tout est clair. Pour en revenir un petit peu sur les femmes au gouvernement, oui. Gégé. Bah, de toute manière, que pensez-vous si une femme se présentait? Je ne sais pas si tu es au courant, il y a une actrice de film de cul quand même. Non, on s'en fout. Une blondasse, tu les connais. Si, faut le dire. Ça a peut-être un rapport. Et tu trouves ça... Attends, Karine, s'il te plaît. Eh oh, Karine. Karine, ça veut dire quoi, là? Ça te prend souvent. Ça veut dire quoi, là? Mais parce que s'il en parle, on est en plein débat, ça a sûrement un rapport. Non, mais attends, mais... Et qu'est-ce que tu veux dire, là, par rapport à la blonde, toi? Gérard. Ça veut dire quoi, là? Mais vas-y, mais attends! Et on demande sur Internet. Dégage. On demande sur Internet que Evan commence, d'ailleurs. Hein, fait, là, non, mais sur l'Internet, ils vont... C'est pour eux qui commandent, c'est moi. Gérard, merde! Eh merde, il est 2h05, vas-y, mais t'as le temps! Merde. Putain, mais oh, tu as... Oh. Tu devais pas manger, Evan? Mais si, ça y est, c'est fait! Eh, hey, ma pizza! T'as mangé quoi? Merde! Bon, alors, que pensez-vous si une femme se présentait? Donc, Karine a ouvert, elle a ouvert son bec. Ouais, j'ai eu peur. Ah, mais je suis poli. De manière, elle a ouvert sa gueule. Voilà. De toute manière, va falloir qu'elle apprenne à travailler avec moi. De toute manière, c'est un métier, hein. Ouais, mais un métier, c'est... c'est beau, hein. C'est dur. Ça, hein. Bon, allez, répondez sérieusement, parce qu'on va pas... Femmes, on arrête dans 5 minutes, hein. Justement, pour en revenir à cette actrice de film de cul... Ah, oui. Non, on parle pas de la personne de film de cul, d'accord? Non. Terminé. Bon, Gérard, hein. Oui, Marlène. Attendez, on parle cul, c'est monté à 9000. C'est le cul qui marche. On va pas parler là-dessus en politique. 9000, regarde. Mais merde, en politique, on va pas parler... Mais rigole pas, parce que politique, après, il y a le 16. Attends, regarde 9000. Mais on va pas parler de ça. Non, mais après, il y a des problèmes avec le 16. Calmos, hein. Ouais, sur l'Internet, calmos. Ouais, donc, ouais. Bon, qui c'est qui avait balancé ça, là, sur... Ouais, c'est moi, parce que moi... C'est qui? Moi, je me dis que si on vote pour elle... C'est qui? On a quand même droit à une piste. C'est qui? C'est Pépito. Pépito. Mais quand qu'il y a Pépito? Ouais, mais son programme, il est alléchant quand même, parce qu'elle nous propose... C'est qui? Donne-moi ton nom. Steven, elle nous propose quand même... Allez, Steven, au revoir. Elle propose une piste. Hop, terminé. Hop là. Comme ça, ça va plus vite. Bon, Marilyn. Allez, il nous reste 5 minutes. Allez, Marilyn. Concernant les femmes, tu sais que ça fait au moins 30 ans que Arlette Laguiller se présente tous les septennats au présidentiel. Et il y a des... Boîte à Ben est revenue. Non, boîte à Ben, j'en veux plus. Non. Allô? Non, terminé. Gérard, non! Gérard, mais Marilyn, j'en veux pas. Mon téléphone portable qui a coupé. Non, mais je t'ai dit au revoir, toi. J'avais plus de batterie, c'est moi qui ai coupé. C'est pas la peine de revenir. Il a même pas parlé, boîte à Ben. Écoute-le. Allô? Ouais, mais attends, Mais attends, il a pas parlé encore. Mais même quand je dis que c'est non, c'est tout. Gérard, s'il te plaît. Ouais, vas-y, accouche. Ben, j'attends que tu me poses la question ou que tu me donnes la réponse. Non, mais attends, tu te fous de ma gueule ou quoi, là? Non, pas du tout. Ou tu prends le train? Ah, ok, d'accord. On parlait du programme alors. Non, je te parle, que pensez-vous si une femme se présentait? De toute manière, c'est pas toi que je donnais la parole, c'était à Marilyn. D'accord, alors tu fermes ta gueule. Tu laisses parler la femme qui a, la seule femme qu'on a sur l'antenne. Exactement. Oh, d'accord, très bien. Et c'est moi qui commande, d'accord? Oula. Ok? Alors, si ça te plaît pas, Attends, tu as perçu. Il y a une fille qui s'est fait gorger à l'antenne, là. Je sais pas si t'as entendu, Ouais, je sais pas, j'ai entendu. Oula. Ah, mal, attends, arrête, faut appeler les. Faut vraiment arrêter derrière. Allô? Bon, allez. C'est des nouveaux, je crois que c'est des mecs, c'est des nouveaux qu'on a pris, ils comprennent rien, donc gère-les correctement. Ouais, non, mais là, bon. Allez, Marilyn, oui. Pour finir, là, parce qu'on va pas s'éterniser là-dessus. Je pense que j'ai terminé en parlant d'Arabie. Oh! Ah, c'est ma chanson préférée! C'est Boîte à Ben. Eh, hey, Evan! Alors, Boîte à Ben, au revoir. Allez, hop! Ça dégage. Karine! Boîte à Ben, dégage. Karine, Boîte à Ben, terminé. Ça y est, c'est bon. Non mais je compte pas. Ah mais toi, ouais mais non mais. Non mais de toute manière faut faire pareil, hein, faut gerber là, parce que c'est le bordel là. Donc on va pas s'éterniser là-dessus et puis même. Mais dis leur de se calmer sur le chat aussi, c'est le bordel quoi. Je veux dire. On est combien? Là 7000, c'est un petit peu descendu parce qu'on parle plus de cul. Tu... Non non mais même on va pas parler de cul et puis de toute manière on va stopper là puis c'est tout. Hop, on verra ça un peu plus tard et puis terminé. Donc on va. On va remercier Sean Novis. Oui. Bon, conclusion. Oui, merci. Non, non, mais on. Pour la conclusion, il y a Roselyne. Non, non, non, conclusion, lui. Oui, bonsoir. Ouais, ouais, bonne nuit. Tu prends la conclusion chez toi. Hop. Alors, conclusion de Sean Novis. C'est vrai qu'on n'a pas eu trop de temps, et donc, conclusion pour toi, Sean Novis. Ouais, bah écoute, très bon débat sur la politique. Ouais, mais c'est quand même un débat dangereux. Hein. Je trouve que pour un premier débat, tu as choisi un thème où tu t'investis quand même vachement plus que. Ah ouais, mais ça. Non, les mais. Le débat que tu faisais avant, genre, je sais pas, les aspirateurs, les trucs comme ça, c'était quand non, même. Non, mais là, faut bien se dire une chose. C'est qu'on a pris. J'ai pris ce thème-là en accord avec la direction de Fun, donc c'est-à-dire oui. Avec Max. C'est courageux, hein. Carrément. C'est courageux. Donc, ah ouais. Pour faire ça. Mais, faut bien se dire une chose. C'est que normalement il y avait 10 questions et sur 10 questions on a sur l'Afghanistan. Sur l'Afghanistan. Alors toi tu feras ta conclusion demain, au revoir. Voilà. Ah, voilà. Que tu peux dire qui tu vires à chaque fois? Bah ça doit être Jack Zoffin. Donc, allez, Marilyn, pour toi, pour terminer. Oui, Gérard, eh bien, écoute, je suis très contente que les débats aient recommencé, parce que j'écoutais attentivement l'année dernière. Moi, je trouve que c'était un débat de merde. Ouais, ben, si ça te plaît pas, c'est le même prix, d'accord, ma grande. Tu vois, je te dis ça parce que justement, j'espère que ça va n'aller qu'en s'améliorant, parce qu'il va falloir que tu gueules, il va falloir que peut-être que tu cognes. Mais je vais te dire une chose, Marilyn. Écoute-moi bien. C'est que là, à l'heure actuelle, il y a une nouvelle équipe. Justement. Et la nouvelle équipe, va falloir que je la travaille. T'es pas content là, non? Hein? T'es pas content? Donc, au standard, pour l'instant, on peut pas faire tout. Parce qu'au standard, ils viennent de débuter. Karine, elle est avec Max de 23h jusqu'à je ne sais pas quelle heure, donc moi je peux pas dire quand est-ce que je reviendrai. Hein? Sur l'internet, c'était... Belinda alors. Belinda. Ouais, et puis Belinda. Melinda ou Belinda? Belinda. C'est Belinda. Il serait temps de se le demander. Maintenant que c'est fini, j'ai bon, franchement... C'est Belinda, mais enrhumé. Non. L'équipe. Non, mais faut dire une chose, c'est que bon... Bon, attendez, on va faire la situation. Mais fais le bilan. Moi, Gérard, ça a été toujours demain. Attends, on va dire déjà au revoir aux auditeurs et après, on va discuter pour savoir qui visite. Donc, Marilyn. Qu'on allait faire caca. Marilyn, c'est bon? Oui, voilà, et puis, bon rétablissement, Manu. Tu retrouveras Manu, je sais pas quand, mais à partir de 21h, mais pas dans mes débats. Voilà. Entendeur, salut, merci à toi, Marilyn. Ouais. Jack, Jopin. Ouais, bah, moi, je voulais dire un petit coucou aussi à Manu, et puis à Lolo Bebop, monsieur Johnny. C'est bon, allez hop. Au revoir, les coucous. Ouais. Tangpo. Bah oui, hein. Tangpo, il est pas là. Allô, c'est Tangpo. Ouais. Je brise des briques avec mon tibia. Je voulais te demander quels sont tes prochains thèmes de débat, en fait, parce que j'en ai quelques-uns à te proposer. Non, non, mais ça, je veux te dire une chose. Je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais ça serait bien que tu fasses un petit débat sur le football. Parce que je suis un fan du PSG. Ouais, mais ça. Là, je vais te dire une chose. Que tu veux faire un débat sur le football. Ouais. Moi, je vais te dire une chose. Que j'ai vu le match à la télé. Non, mais. Et mais moi, ce qui me dégoûte, c'est les supporters du PSG qui ont foutu la merde. On parle de foot, on parle pas de PSG Marseille, donc on s'en fout. Terminé. Au revoir, Tom Paul. Magique. Ouais, c'est bon. Au revoir. Allez. Un petit bilan, Gérard. Alors, bilan sur l'Internet, quand même. Oui. Bah, l'équipe, alors, qu'est-ce qu'on garde? Est-ce qu'on garde Belinda d'abord? Non, mais attends. On va faire le bilan Internet avant. Alors, bilan Internet pour la première soirée, parce que faut que tu je notes, démarre. Tu notes sur 20? Alors, son score, combien c'est? Ah, merde, j'ai mis où ce putain de combien de moyenne? Ce qui va te donner un chiffre de moyenne au total dans la moyenne. Non, moi je veux savoir le nombre d'auditeurs total sur l'Internet. Total? Ouais. Le maximum qu'on ait eu ou la moyenne? Non, le nombre de personnes à l'heure actuelle, j'ai dit. Là, 6752. Oh là là, c'est bon. 6752, on a fait une pointe à 9000. Avec le cul. Ouais. Mais ça, c'est vrai qu'il y a un petit débat sur le SM, peut-être que. Ça, c'est un autre thème de débat. On pourrait faire un débat sur les godes, peut-être. Sinon, t'es content, enfin, je sais pas. Ouais, alors le bilan, d'abord. Jean-Christophe, alors sur Internet, qu'est-ce que t'as à dire sur lui? Bon, alors sur l'Internet, par contre. Jean-Christophe, il faut que tu donnes les prénoms des gens parce que les gens ne les connaissent pas. Jean-Christophe, sur l'Internet, est-ce qu'il faut te dire? C'est que les fiches que tu me sors. Moi, j'en veux pas. D'accord. Je veux pas des fiches comme tu m'as sorti tout à l'heure. Je ne prépare rien. Si. Non, mais tu me sors un truc. Devant ton micro. Mais tu me sors un truc avec, par exemple, le nom, les personnes. Pas ce que tu m'as sorti ce soir. Mais oui, mais c'est un sondage. Les personnes, elles sont anonymes. C'était un sondage qui était officiel. Un sondage, je ne le veux pas comme tu me l'as sorti ce soir. Ah, d'accord. Ça, j'en veux pas. Ok. Question standard. Alors, Belinda et Karine. Attends deux secondes, parce que déjà, tu as dit Tompo à la fin, c'était Tonkpo. Ouais, mais je m'en fous. Bon, alors, Belinda, alors d'abord. Alors, Belinda, pour ta première, malheureusement, c'est bête. Ouh là là. Mais... Ah, je suis le maillon faible. Oui, maillon faible, je suis... C'est pas que je t'en veux, mais c'est vrai que travailler avec moi, c'est pas évident. Ouais, j'imagine. Elle arrive au milieu aussi, hein, elle te connaissait pas. Elle est arrivée comme ça. Voilà. Mais bon, elle a fait de la merde. Je vais te laisser une autre chance. Ah, c'est trop. Si, je vais te laisser une autre chance. Quand Gérard reviendra, ouais. Quand je reviendrai, je ne sais pas. Mais bon, on peut le dire, Belinda a fait de la merde. Bah, disons. On y a pas trop montré comment ça se passait. Ouais. Ah non, mais moi, elle m'a aidé. Par contre, la dernière que je garde pour le mieux, c'est Karine. Par contre, l'AREA. Simon. L'AREA, monsieur Simon. Oula. Boum boum. 74 aujourd'hui. Oui, non, mais, je veux les entendre plus fort que ça. T'en veux encore plus? Non, mais pas pour me virer moi. Mais quand je vire un auditeur, j'en veux plus. Je veux les entendre. Ok. Parce qu'au standard, ils comprennent pas. Parce que comme ils mettent pas leur casque sur les oreilles, eux, ils sont comme ça au standard. Mm-hmm. Voilà. Comme ça, tu dis on vire. D'accord. Tu comprends pas. Ouais, d'accord. Ça marche. Donc voilà. Donc pour toi. Vite parce que tu me fatigues. Là, pour toi, c'est bon. Aujourd'hui, impeccable. Okay. Y a rien à dire. Impeccable. Maintenant, je regarde. Le meilleur pour la fin, c'est-à-dire... Il va te croquer. C'est moi ! T'as un standardiste ! Alors, vite. Alors, Karine ! Quoi, non, t'es pas passé encore. Mais rigole pas, dis-lui sérieusement, T'es pas passé à la trappe, toi, encore. Gérard. C'est que le problème... Tu ris pas. Non, mais le problème, quand... Je te l'avais dit plusieurs fois quand j'étais venu avant... Je t'avais expliqué comment que je travaillais. Et là, t'as pas écouté les conseils. Donc, automatiquement, ce soir, pourtant, tu travailles avec Max, tu sais comment qu'il travaille. Mais pour toi, elle a fait un peu de merde. Pour moi, ce soir, ça n'a pas été bien. Bah, dis-le, c'est de la merde. Ça a été du caca nerveux. Ça n'a pas été fameux. Carrément. C'est tout. Et par contre, maintenant, il est trop tard. Ça n'a pas été du caca nerveux. Non mais t'as raison, mais il faut leur dire, hein, comme tu faisais avec Fildar, Emmanuel et les autres, parce que sinon on s'en sortira pas. Hein. Ça, c'est vrai que ce soir, niette. Mais non, mais c'est pas la peine de retirer ton casque. C'est pas la peine de pleurer. Tu la reverras. Mais ouais. Qui? Sa maman. Bah oui. Allez. Allez, voyons, Karine. De toute manière, c'est simple. Et Max, il peut te le dire. Depuis le temps qu'il me connaît, ça fait plus de... Je sais pas combien de temps qu'on se connaît, nous. Bah, ça fait 5 ans que je fais de la merde. À chaque fois que j'envoie chier quelqu'un, je lui dis en face, c'est tout. Je lui dis... Non, mais là, tu les gardes quand même, l'équipe, là. Tu les gardes. Bah, on va tester des nouveaux, mais... Simon et Christophe, pour l'instant, on va les garder. Jean-Christophe, putain. Jean-Christophe. Et Jean-Christophe, on va les garder. Au standard, on va quand même garder... Belinda et Karine, quand même. On va quand même les garder pour un nouvel essai. Et puis c'est tout. Ouais. Ah, je suis content. Et par contre, c'est vrai que là, les règles, là, il va falloir faire des petites réunions avant. Hein. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut vous dire une chose, que quand je vous dis quelque chose, c'est pas pour rigoler. Non, c'est sérieux. Non, c'est... Et par contre, en parlant de quelque chose de sérieux... C'est du business, hein, ce qu'on fait. Hein. Ouais, mais c'est ça, de la radio, on en dirait que c'est du show business. Oui, mais c'est peut-être de la radio, mais ça te fait quand même remonter de l'audimat. Et par contre... Ce soir, en tout cas, grâce à toi, c'est vrai que Fun, là, va vraiment péter tous les scores. Ouais, on a fait quand même 6752. Bah, de toute façon, On avait parlé un peu de cul sur Internet. Pour les aveugles qui sont en braille et qui nous entendent pas, ils achètent Libération demain et puis ils ont... Ils font ce qu'ils veulent. Par contre, moi, ce que je voulais dire... On conclut, parce que là, Evan, il n'en peut plus. Hein, il va péter un câble. Ouais, mais Evan, c'est pas grave. Il va relancer quand même le message. Ouais, parce que là... Allez, Gérard, les conclusions. Si quelqu'un... Dans 15 secondes, il y a la pub. Si quelqu'un a un portable... Ah oui. Un portable pour moi. Donc, sans abonnement, qu'il l'envoie au 22 rue Bayard, à l'intention de Max... Ouais. Max me le retransmettra parce que sinon il pourra pas me joindre. Voilà, parce que je voulais avoir un portable pour Gérard pour pouvoir le contacter régulièrement et le faire venir en surprise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui il veut un portable sans abonnement. Voilà, donc si quelqu'un a un portable qui ne sert pas sans abonnement, qui ne souhaite pas bloquer parce que je veux pas. Moi, j'en avais récupéré un auditeur, mais j'ai un Molocus. C'est quoi encore? Un vieux portable, une sorte de grosse galette. Non, mais moi je veux pas un portable. Tu veux pas un vrai portable. Hein. Ouais, moi je veux pas une merde. Avec le net et tout. Non, moi je veux simplement un portable où que tu puisses m'appeler régulièrement. Moi j'en avais un avec le GPS. Je vais m'en faire quoi de ça? C'est pour te suivre à la trace. Tu vas me sentir à la trace comme. T'as l'habitude de. Ne t'inquiète pas, on est dans le studio, donc, on sent déjà assez comme ça. Hein. Donc alors, on laisse la place à Evan. Hein. Ou peut-être qu'on va reprendre l'antenne, on sait pas. Hein. Surprise. Hein. Surprise, voilà. Sur Internet, ils veulent pas. Hein. Evan, dehors. Maintenant, on laisse la suite à Evan et puis c'est tout. Allez, un petit disque. Un petit sketch, Gérard. À bientôt. À bientôt. Okay. Merde. À bientôt, Simon.